Ce vendredi, à la vie en BD, retour vers les années 30 avec JF et son Broadway, un feuilleton manga à Québec, Dez et son frivolesque, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour faire une petite forêt dans l'univers du 9e art. Et cette semaine, côté invité, vraiment deux styles radicalement différents. Donc l'univers manga avec un style vraiment référentiel à certains éléments de cet univers, quand même assez foisonnant. Ça va être en deuxième moitié. En première moitié, une bande dessinée historique, dessinée aquarelle. Donc on va vraiment explorer deux univers visuels et narratifs également, quand même assez distincts. Ça risque d'être très intéressant. Alors de Broadway et GF tout à l'heure à Dez et Frivolesque. Également, il y aura Marco Duchesne qui va être de passage en fin d'émission pour nous partager quelques suggestions BD. Sinon, dans l'actualité, cette semaine, peut-être avez-vous vu ça passer sur Facebook, une belle initiative du côté de l'équipe de la Shop à Bulles, dont fait partie d'ailleurs GF. Alors, c'est un encan silencieux réalisé via Facebook au profit des paniers de Noël de la Fondation Gilles Kegle, des cases pour la cause. Alors, pour une initiative et un organisme qui tient à cœur à l'équipe de la Shop, mais c'est un peu, ça s'insère dans la suite d'une BD-reportage de deux planches qu'avait réalisé Paul Bordelot, un autre des auteurs de la Shop avec Richard Valran et Michael, autour du travail de Gilles Kegle en décembre 2014 pour le compte du Soleil. Alors au cœur de cet encan-là, ben, on a quatre planches originales qui sont offertes par GF, une planche de Broadway, Valran, une planche du vol TS-236, une planche de Michael tirée de Promise, et Paul Bordelot qui offre une planche de son album Avenir, le 7e vers. Alors les planches sont affichées chacune sur la page Facebook de l'atelier, on peut voir donc qu'est-ce qui est mis à l'encan, et on y fait sa mise en dollars canadiens dans les commentaires. Frais de poste en su pour les lecteurs hors ville de Québec, ceux de Québec. On s'attend à ce que vous alliez la chercher et prendre un café, pourquoi pas, à la Shop. Alors, une échéance lundi 21 décembre à 23h59 pour finaliser ses choix et garantir l'obtention de la planche convoitée. Alors, si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout noter ça, évidemment, ben, allez faire un tour sur le Facebook de la Shop, facebook.com/lachopabulles. Et sinon, ben, on a référé tout ça notamment sur le Facebook de La Vie en BD et sur nos autres médias. Autre actualité, autre belle nouvelle, cette fois-ci c'est pour le film Paul à Québec. Selon un communiqué qui a été récemment envoyé par l'équipe de la Pastèque, celui-ci va bénéficier d'une belle vitrine face au milieu international de la bande dessinée, alors que le film va être projeté dans le cadre de la programmation officielle du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême le 30 janvier prochain à 20h30. Alors je rappelle évidemment que l'auteur de la série Paul, Michel Rabaglietti, n'est pas étranger à Angoulême. Il avait déjà remporté un prix lors de cet événement, le prix du public Fauve FNAC SNCF en 2010, était devenu le premier auteur BD du Québec à mettre la main sur une telle récompense. Il y a eu plusieurs albums québécois qui ont été mis en nomination, qui ont été dans la sélection officielle, mais c'est le premier à l'emporter. Et l'éditeur note d'ailleurs évidemment que l'auteur va être présent à Angoulême tout au long de l'événement. Quelques nouvelles de prises et récompenses, notamment le Grand Prix de la CBD de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Alors, après avoir présélectionné 125 albums, puis 15, puis 5, parmi les 3923 nouveautés qui ont été publiées entre novembre 2014 et octobre 2015, alors la CBD a couronné Fabrice Caro, dit Fab Caro, pour son album Zai Zai Zai Zai chez Six Pieds Sous Terre. Je vous en avais parlé un peu de manière presque dithyrambique la semaine dernière. Vraiment, très très bonne BD qui raconte, je vous rappelle, l'histoire d'un auteur de bande dessinée qui fait ses courses et qui réalise qu'il n'a pas sa carte de fidélité sur lui. Alors évidemment, la caissière appelle le vigile, l'auteur menace de s'enfuir, semble béat d'avoir oublié sa sa carte fidélité, la police est alertée et s'ensuit évidemment une traque sans merci, le fugitif qui traverse la France en stop et parallèlement la France qui se questionne face aux auteurs BD, représente-t-il un danger? Un très très chouette album. Sinon, autre prix, le magazine Point a récompensé, eux, l'album What a Wonderful World de Zep, paru chez Delcourt cette année, donc le prix Waninsky en fait remis par le Point, une récompense qui est utilisée pour prix de la BD du Point auparavant. Évidemment, le nom a été changé en hommage à ce dessinateur de Charlie Hebdo. Et dernier élément d'actualité avant de passer en entrevue, les 10 titres en lice pour le 22e prix France Info ont également été rendus publics. Alors toujours ici, quand on parle du prix France Info, ce sont des albums de BD reportage ou de BD d'actualité. Alors si jamais vous avez envie d'explorer ce pan de la production BD, eh bien encore là, comme la plupart des listes, ça représente une belle sélection. Alors, on parle de Brigade criminelle de Rénal Pélissard et Titoine chez La Martinière, de Catharsis de Luche chez Futuropolis, de Cher pays de notre enfance de Benoît Colomba et Étienne Davodeau également chez Futuropolis, Colère nucléaire de Takashi Imashiro chez Akata, Frères de terroir, carnet de croqueur, tome 2 de Jacques Ferrandez et Yves Campdebord chez Rue de Sèvres, La présidente de Farid Boudjelal et François Durper aux arènes, Les esclaves oubliés de Tromelin de Sylvain Savoya chez Dupuis, Murmure de Tignoux chez Glénat, Sable noir, 20 semaines au Turkménistan de Troubes chez Futuropolis, et enfin, Yalabai de Kyung-Hoon Park et Joseph Safedine au Lombard. Alors voilà, donc pour ces sélections, et maintenant nous on s'en va en musique avec la sélection de la semaine, alors Thing on the Spring tiré de leur album On the Run, on écoute un premier extrait. Et je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez nous suivre, on a mentionné Facebook tout à l'heure, et bien je vous redonne l'adresse si vous ne nous suivez pas déjà, à facebook.com/lavieenbd, un fil qu'on anime proactivement. Et on continue avec des regards sur les bandes dessinées qui sont sorties cet automne. Un titre qui nous est arrivé du côté des éditions Soleil. Deuxième tome de la série Broadway de GF, toujours dans cette thématique Une rue en Amérique. On avait envie de poursuivre la discussion qu'on avait amorcée déjà autour du tome 1. Et donc, on a convié l'auteur à venir faire un tour ici en studio. GF, bonjour. Bonjour Raymond. Alors, on pourrait dire, côté récit, on reste dans ce tome 2 autour de la relance, évidemment, du club Chapman's Paradise. Et l'idée, c'est de voir maintenant comment on reconstruit après, à défaut d'un meilleur terme, après l'incident qui venait clore le tome 1. Ben oui, c'est ça, parce que dans le fond, c'est un diptyque, donc il fallait clore l'histoire avec le deuxième tome. Et donc, c'est de la poursuite finalement du rêve de George et Lenny de remettre sur pied leur cabaret, le Paradise, Chapman's Paradise. Et donc, ben, c'est de là qu'on part dans le début du tome 2. Et on aurait pu avoir l'impression justement qu'après un incident comme ça, ben le cœur du récit, ce serait ce mystère, qui est la taupe, qui a causé ces malheurs, mais finalement, c'est un élément parmi d'autres, parce que c'est d'abord, avant tout, j'ai l'impression, Broadway, un récit humain, un récit sur les relations, sur les dynamiques des personnages qui composent ton scénario. C'est ça. Moi, en fait, je voulais pas faire un polar, je voulais pas faire une intrigue policière ou quelque chose avec un drame, là. Non, ce que j'avais envie, c'était de montrer un peu les coulisses des spectacles, un peu les embûches, là, que les troupes pouvaient avoir, les troupes de danseuses, là, des filles, pour monter des spectacles, et puis en même temps aussi les organisateurs des cabarets, comment ça pouvait fonctionner un peu à cette époque-là, à vivre avec la prohibition aux États-Unis, puis à dealer finalement avec l'Amérique des années 30. Et donc c'est pour ça que j'ai pas fait de d'intrigue là, policière par rapport à ça. Oui, puis en même temps, justement, le choix des personnages là-dessus est assez parlant, le choix des protagonistes, en mesure où t'as le duo d'arrière-scène, les propriétaires du club, t'as l'une des danseuses aussi qui est mise de l'avant, donc on a l'arrière-scène, l'avant-scène, entre guillemets, et aussi à travers ces gens-là, un regard qui est d'abord naïf sur cet univers-là, et encore au deuxième tome, on découvre l'univers, ils parviennent peut-être un peu à le comprendre de plus en plus. Oui, parce que c'est ça, c'est des personnages qui abordent finalement le monde du showbiz avec beaucoup de naïveté. Puis d'ailleurs, je veux dire, c'était sans doute aussi ça à l'époque, hein, les gens qui se partaient en affaires à New York dans les années 28-29, c'était souvent des gens qui n'avaient aucune idée dans quoi ils s'embarquaient, puis ils apprenaient au fur et à mesure. Donc oui, ce petit côté-là, peut-être un peu candide finalement dans le récit, qui fait que on apprend que en tout cas les personnages apprennent un peu qu'est-ce qui est derrière derrière le décor finalement des spectacles. En même temps, je me suis dit que c'était presque nécessaire dans mesure où je suis un peu comme eux, moi comme lecteur, je veux dire je connais pas comment ça marchait Broadway des années 20 et 30, donc d'une certaine manière j'imagine ça me permet de mettre un peu à leur place, soit des propriétaires, soit de l'artiste, tout dépendant de la vie dont je m'imaginerais peut-être. Puis en même temps, parce que pour moi aussi c'est un ressort scénaristique qui me permet justement de faire des éléments un peu cocasses pour dans justement l'album, dans le récit, pour que qu'il y ait des rebondissements que finalement on se dit nous en tant que lecteur, il aurait dû le voir venir là, c'était un peu gros, mais en même temps c'est des gens qui étaient pas au courant du tout de comment ça fonctionnait. Et j'imagine en fait, parce que on en avait parlé aussi au premier tome, reste que t'as quand même fait pas mal de recherches, de travail historique, je pense. C'est un projet qui germe tranquillement dans ton être depuis 2011 pratiquement là. Oui, c'est déjà juste au niveau de la recherche graphique, recherche aussi historique, j'ai presque un an et demi de ramasser à gauche et à droite mon information, lire les bouquins, visionner des films, et puis ensuite une fois que j'ai absorbé toute cette matière là de base, j'ai eu un autre 3-4 mois à développer le récit, le scénario, et après ça a été les 2 ans de production des deux albums. Et quand on fait autant justement de travail préparatoire, qu'on a beaucoup d'informations, qu'on a peut-être envie de transmettre, est-ce qu'il y a un défi où on se dit ok, j'ai envie de dire ça, ça c'est fun, ça c'est intéressant, mais en même temps faut j'imagine trier justement ce qu'on va transmettre au lecteur là. Oui, tout à fait. Il faut faire beaucoup de recoupage. Là. Faut vraiment en enlever énormément. Puis pas de faire un récit qui est juste informatif ou parce qu'on a plein d'informations qu'on aimerait passer, qu'on aimerait dire au niveau de l'histoire ou au niveau de l'histoire des États-Unis. En 1928. Faut faire un tri. Moi, je me suis permis quand même dans certaines pages, autant dans le tome 1 que dans le tome 2, de faire des petites capsules avec un espèce de narrateur omniscient là qui raconte finalement très brièvement certains éléments de la vie des Américains à cette époque-là, entre autres pour la Prohibition. Puis donc c'est genre les petites choses que je me suis permis pour faire passer de l'information un peu plus historique, un peu plus aride, mais de façon humoristique finalement. Oui, puis en même temps, il y a ces éléments-là aussi qui sont amenés par le narrateur, qui deviennent par la suite des moteurs scénaristiques. On parlait de Prohibition, par exemple, à un moment donné, ça devient justement un des rebondissements de l'histoire, faut préparer le lecteur, faut lui faire comprendre le contexte pour qu'il puisse bien recevoir ensuite quand toi tu vas l'utiliser. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis à cette époque-là, donc c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qu'il faut au moins donner le minimum d'informations pour que le lecteur se retrouve. Puis parallèlement, j'imagine que la dynamique aussi visuelle, encore là, la recherche qui rentre en ligne de compte, mais aussi au niveau du trait, au niveau de ton travail de dessin, j'ai lu justement que tu étais plus allé vers l'aquarelle pour Broadway. Je voulais avoir une sorte de patine un peu vieillotte, un peu à donner une atmosphère, premièrement, mais aussi qu'on sente une sorte de grain, là, un peu comme un vieux film. Et puis, je trouvais que le fait d'utiliser l'aquarelle, ça amenait justement cette texture-là au récit, à l'album. J'ai fait un aquarelle, mais c'est pas de la couleur directe, là, dans le sens que j'ai fait un aquarelle sur les planches originales, mais c'est juste un lavis de gris. Puis ce lavis-là me permet de faire des ombres, me permet de faire des volumes, et puis c'est à la coloration avec l'ordinateur Photoshop que je garde la texture de l'aquarelle, puis je garde ce lavis, mais je le colore, je le mets en couleur. Donc c'est vraiment une approche hybride, dans le fond, à la fois papier et numérique. C'est ça, donc ça permet d'avoir des planches dans lesquelles il y a un petit côté un peu fait maison, là, fait main, mais ça me permet, moi, personnellement, comme auteur, d'aller justement travailler comme il faut toutes mes ambiances, puis si je veux modifier une couleur, je peux le faire n'importe quand, donc c'est le meilleur des deux mondes, quoi. Mais en même temps, parce que de cet album-là, je veux dire, il y a le côté artisanal, puis il y a tellement de chaleur qui ressort de l'album dans le choix des couleurs, dans le choix des ambiances, c'est un album qui est chaleureux. Fallait que ça soit assez positif quand même. Moi, je voulais deux albums dans lesquels on sente un peu la comédie musicale. Tu sais, quelque chose de léger, quelque chose qui se lit bien, qu'on a du plaisir à lire. Donc, puis en même temps, vu que c'était le monde des théâtres, des cabarets, je voulais avoir beaucoup de lumière, beaucoup d'effets, d'effets de chaleur, vraiment de sentir là, que c'est les soirées chaudes de New York dans l'intérieur des cabarets, là, où est-ce qu'il y avait un éclairage là, qui était tout à soit les éclairages électriques, mais donc oui, c'est ça, c'est ce que j'ai voulu rendre quelque chose de très chaud. Et en même temps, ça représente quand même un bon défi, du moins de l'externe, je me dis, ça doit être un bon défi d'essayer de transmettre par la planche, par le dessin, l'expérience d'entrer dans le club, le mouvement sur la scène, la dynamique dans la salle, ça bouge beaucoup, ça crie, ça parle, c'est bruyant. Il faut qu'on sente ça comme lecteur. Ouais, c'est personnel. Je veux dire, j'aime être immersif là, dans mes planches. J'aime que le lecteur se sente plongé dans l'histoire, se sente plongé dans une autre époque, se sente plongé dans une ambiance, une atmosphère. Donc, parce que si tu me dis que ça a bien fonctionné, je suis content, merci. Mais c'est toujours un objectif là, pour moi d'amener le lecteur vraiment à rentrer dans l'histoire. Et comment tu te prépares? Est-ce qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs pour réussir justement à aller chercher cette dynamique de mouvement, le charisme des artistes sur scène et le reste, de réussir à travers la recherche graphique, j'imagine, à trouver le bon ton? Oui, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Beaucoup de préparation, c'est sûr et certain. Puis du passage du découpage, donc le premier esquisse de la planche au crayonné, il y a beaucoup de recherches aussi au niveau de la bonne expression, l'expression juste, puis aussi de la mise en scène juste pour amener l'émotion à bonne place. Mais bon, puis il y a aussi eu de l'expérience, parce que c'est quand même pas mon premier album, ce qui fait que avec les années, j'ai quand même développé des trucs du métier, j'ai apprivoisé mon approche graphique. Puis ça me permet maintenant quand même d'être assez rapide puis d'être assez efficace. Mais je suis capable de me planter quand même là. Mais je m'organise toujours pour justement faire cette étape-là le plus sereinement possible. et parallèlement des scènes de mouvement, il y a aussi des scènes d'ambiance urbaine. En fait, je pense que la ville Broadway est présente, je dirais pas un personnage, mais à tout le moins une ambiance, une omniprésence. Et de temps en temps, des grosses cases qui nous ramènent un peu dans les éléments d'urbanité, mais toujours une urbanité nocturne avec des lumières, l'esprit de la ville. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, Broadway puis New York est un personnage dans ce récit. Donc, il fallait qu'il y ait des moments où est-ce que le lecteur puisse respirer, puis qu'on puisse, en tant que lecteur, de passer finalement du récit à « Ah, là, c'est l'atmosphère, c'est ça qui nous prend, on est dans la ville en ce moment. » Donc, ça fait une sorte de rythme au récit. Et ça met en scène aussi, justement, la ville comme un personnage. Oui, puis je trouve intéressant, surtout dans le deuxième tome, en fait, ça m'a frappé, parce que la plupart du temps, les pages sont pleines. Il y a beaucoup de gens, c'est ça vit. Et on dirait, quand on se retrouve, bon, évidemment, dans le théâtre qui est vide, on rentre un peu plus. Mais surtout, il y a une longue séquence dans le deuxième tome qui se passe la nuit. Il y a pratiquement plus personne dans New York, et là, tout d'un coup, on a l'impression d'être un peu dans une autre ville, qui est peut-être un peu plus menaçante, justement, aussi, à ce moment-là. Menaçante au sens large, là, du terme, évidemment. Oui. Je veux dire, c'est... Oui, puis en même temps, moi, ça m'a permis aussi de ponctuer le récit avec une séquence qui était carrément différente. Donc, puis on a encore une fois, c'était une ambiance différente. C'était montrer aussi New York la nuit, l'hiver, dans Central Park. C'était autre chose. C'était un autre défi. Et puis, en même temps, c'est une scène clé, donc ça m'amenait ailleurs aussi au niveau de l'histoire. Et c'est ça. Ça me permet de varier. Hein. Faut pas toujours rester dans les mêmes plates-bandes. Et à la limite, en fait, est-ce que, comme scénariste, puisqu'on parle beaucoup du dessin, de beaux défis que tu te lances, au bout du compte, au fil de l'album, est-ce que JF scénariste cherche un peu aussi à faire plaisir à JF dessinateur? Oui, mais... Ou faut lutter contre ça, En fait, non, c'est sûr que je préfère... Genre, je m'organise toujours pour faire des scénarios, pour écrire des scénarios, où est-ce que je veux m'amuser à dessiner, si on s'entend. Sauf qu'il y a des fois, il y a des éléments d'histoire que j'écris, et puis je me dis, comment je vais illustrer ça? J'en ai aucune espèce d'idée. Là, c'est peut-être un peu plus stressant, mais en même temps, je me dis que bon, ça va se faire tout doucement. C'est le temps de trouver ma documentation, de bien monter mon truc. Je vais être capable d'y arriver. Mais c'est vrai que généralement, j'essaie de trouver des sujets qui vont me plaire. Là. et justement, côté sujet, on parlait un peu de la recherche historique. Mmh. Évidemment, dans le premier album, on campe beaucoup le Broadway tel qu'il est au moment où ton histoire commence. Et dans le deuxième, on découvre aussi que la période dans laquelle tu as choisi de te camper, c'est une période de mutation. Mmh. Dans le fond, où Broadway évolue, où il y a des nouvelles sources de compétition et oui, des nouvelles manières de faire aussi. Donc ça vient jouer un peu aussi dans tes éléments de récit. Oui, oui. Puis, tu sais, parce que je veux dire, dans le fond, la vie, c'est toujours changeant, hein, je veux dire, d'une époque à l'autre. Puis en même temps, si on extrapolait, si j'avais un autre diptyque, mettons, à réaliser sur Broadway, on tomberait dans une période où est-ce que c'est le crack boursier. Donc ça serait encore une fois très différent, les dynamiques qu'on retrouverait sur Broadway à cette époque-là. Donc c'est c'est de montrer que y a rien qui est constant, tout est en mouvement. Et à travers ça, évidemment, de bien l'ancrer dans la période, il y a des références à Chaplin, il y a des références à certains autres artistes. Oui, enfin, il y a beaucoup de références même dans l'album. Là. Oui, ça je voulais qu'on sente que c'est ça a été quand même documenté. J'ai fait mon travail. Non, mais je veux dire, en même temps, ça me faisait plaisir de justement mettre en scène Chaplin, parce que c'était, pour moi, Charlie Chaplin, ça a été une découverte là du cinéma dans mon enfance, là, du cinéma de muet. J'ai tellement trouvé ça génial, puis je pouvais pas m'imaginer que un film muet, noir et blanc, puisse m'émouvoir. Puis avec du Chaplin, je suis tombé sur le dos, pour pas dire sur le cul. Donc ça. C'est, pour moi, Chaplin, ça a toujours été un maître là, au niveau du cinéma. Puis même encore aujourd'hui, il y a plein de ces films qu'on peut regarder qui sont encore très, très, pas actuels, mais qui sont pertinents. Voilà. Et en même temps, il y a toute la dynamique aussi, j'imagine, Broadway, c'est un peu, à l'époque du moins, des productions qui viennent agir un peu comme précurseur aussi de la naissance ou de l'envol, enfin, on pourrait dire, du cinéma américain. Oui, oui, oui, ça aussi, c'est une autre chose que j'aurais peut-être aimé explorer plus tard, mais que finalement, après le crack boursier, la plupart des artistes qui étaient en vogue sur Broadway à New York se sont retrouvés sans travail. Et la plupart de ceux qui avaient du talent ont migré finalement vers la côte ouest américaine pour faire du cinéma. Broadway, c'était l'antichambre du cinéma américain. Et donc, en même temps, ça c'est comme tu dis, ça motive, ça donne des idées d'autres éléments. Ben voilà, c'est ça. Puis j'imagine aussi que ça oriente un peu la théâtralité des représentations qu'on va présenter, parce qu'il y a un côté très théâtral, justement, cette scène-là, mm-hmm. Les paillettes et le reste, ouais. Un imaginaire qui décors, est aussi très fort. Des décors très, très majestueux. Donc, il fallait en mettre plein la vue. Hein. C'était c'était le principe aussi du cinéma, même dans les premiers films. Là, on s'imagine pas comment, justement, ils mettaient le paquet aussi à cette époque-là. Dans les années 30 là, pour faire des méga productions, alors que ça coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, mais là ils faisaient des décors grandeur nature. S'il y avait à reproduire l'Égypte, on construisait là. C'est fou là. Il y a vraiment de la matière. et en parallèle, en fait, tu me disais tantôt que tu avais envie de faire un récit qui était somme toute positif. Mm-hmm. Je repensais à White Crows, qui est aussi somme toute qui est un récit assez positif dans les deux tomes qu'on a eu. Est-ce que t'aimes dans le fond raconter des histoires qui je dirais pas qui finissent bien, mais qui se passent bien, en fait, où les gens vont bien, sont contents? Je suis désolé, j'aimerais ça être sombre et torturé, et vous raconter des histoires tristes, mais non, je suis pas capable. Faut que je demande un scénariste pour faire ça. Donc c'est vrai que non, j'ai tendance à faire des histoires. J'aime me divertir en lisant de la bande dessinée. J'aime rire, j'aime m'amuser. Donc, je veux qu'on retrouve la même chose aussi dans mes récits. Oui, c'est un trait de caractère que je mets en place dans mes scénarios. Et puis en même temps, j'imagine, quand on fait le choix justement de dire, je vais raconter cette période-là, cette histoire-là, mm-hmm. Tu as envie aussi de te faire plaisir, puis de faire plaisir par extension à tes lecteurs. Parce que si tu t'emmerdes en dessinant, ça va se sentir à un moment donné. C'est un peu le luxe qu'on se donne en tant qu'auteur. Exact. Et quand on s'était parlé au premier tome, tu nous avais indiqué que, justement, tu avais choisi de mettre une rue en Amérique, Broadway, dans l'optique où peut-être qu'il y aurait d'autres diptyques qui pourraient naître. C'est ça. Est-ce que, finalement, c'est une piste qui est encore... Non, finalement, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'avoir d'autres diptyques avec d'autres rues. Puis, de toute manière, moi, je suis parti sur d'autres projets. En fait, là, je fais un album, toujours pour les éditions Soleil, mais dans le cadre d'une série concept qui parle de Brocéliande, la forêt bretonne, la forêt mythique, là, celtique. Et puis, c'est un album scénarisé par Nicolas Jarry, donc le même scénariste que Crépuscule des dieux. Un beau projet, quelque chose d'un one-shot, finalement une histoire complète en un tome, mais qui va s'insérer dans une série de 7 à 8 albums qui vont porter sur Brocéliande. Okay. Et donc, moi, je crois être le tome 3 ou 4, là, on ne sait pas encore, c'est pas clair. Mais ça va être autour des premiers tomes, le mien. Là. Et puis, c'est ça, j'ai une trentaine de pages de compléter, donc il me reste une vingtaine de pages à faire, c'est 54 pages. Et ça devrait sortir peut-être fin de l'année prochaine. D'ici là, il va y avoir le Crépuscule des dieux, tome 9, qui va sortir en février, en France, qui veut dire en mars ici. Et après ça, après Brocéliande, j'ai déjà aussi signé un projet qui... Pour l'instant, je ne sais pas si ça va être 3 tomes, parce qu'on m'en parlait d'une trilogie, mais en tout cas, j'ai signé au moins pour le premier tome. C'est chez Glénat, c'est de l'historique. Et ça va se passer au 18e siècle. Comme dessinateur ou comme auteur et dessinateur? Comme dessinateur. C'est un beau projet qu'on m'a présenté, qu'on est venu me chercher. Puis le scénario est super bon, donc je vous en reparlerai plus tard. Oui, enfin, on aura sûrement l'occasion de se recroiser. Je vois que ton agenda est quand même assez bien rempli au fil des prochaines années. Alors, d'ici là, on peut donc profiter de JF Scénariste, puisque je pense que c'est lui qui va prendre une pause. Oui, au bout du compte, c'est ce que j'en comprends. Je vais en revenir un jour, mais pour l'instant, je prends une pause. Alors, donc, on profite de JF Scénariste avant sa pause pour laisser la place à JF Dessinateur avec donc ce tome 2 de Broadway, tome 1 qui est sorti l'an dernier. Évidemment, c'est du côté des éditions Soleil. Et JF, on se dit à la prochaine, de toute évidence. Oui, merci. Alors, voilà, donc, JF qui est, je le rappelle, dessinateur et scénariste sur cette série, donc Broadway. Et nous, on repart en musique, toujours avec notre sélection de la semaine. On écoute Thing on a Spring et un deuxième extrait. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. On prend peut-être une petite minute là, pour faire un petit clin d'œil à un album. Je descends tranquillement mes piles de lecture. Et notamment, il y a eu la BD des Mutins que j'ai eu l'occasion de découvrir. Un album que j'ai bien aimé commencer, que j'ai moins aimé finir, si on peut dire. Donc, c'est l'histoire de Magellan, parti à la recherche d'un hypothétique détroit, est à la tête de 5 navires. Il doit faire face à une mutinerie ourdie par les Espagnols, donc rébellion. En fait, c'est vraiment... on est dans l'histoire, mais une histoire dessinée avec un style très stylisé, à la limite un peu plus dans le croquis, si on peut dire. Et donc, on découvre évidemment la vie sur ces navires-là, la mutinerie, les conséquences de cette mutinerie, et tranquillement, une descente progressive au fond du trou, au fond d'un enfer, tisser un peu de métissage entre cauchemars, rêves et surnaturel, entre ça et le réel. Alors on tombe dans un récit qui est riche en fait, qui touche évidemment la vie des marins de l'époque, qui va chercher aussi d'autres éléments un peu plus du fantastique, l'intégration de la folie qui se fait quand même de manière assez nette dès le départ et qui prend une place d'une certaine importance au fil du récit, évidemment. Donc, je pense qu'en fait, sur papier, puis au niveau scénaristique, ça se tient, ça se défend, ça fonctionne. Là où le bas blesse peut-être un peu, c'est peut-être dans la forme, dans la mesure où le style qui, dans les premières pages, en fait, on le trouve beau, on le trouve esthétique, dynamique, mais finalement, comme lecteur, je me sentais m'y perdre un peu, dans la mesure où, comme on y voit un peu de manière... minimaliste dans un certain niveau sur le design des personnages notamment et face à une galerie imposante de personnages, on finit un peu par se mêler, par ne plus savoir nécessairement qui est qui, par avoir difficulté à identifier, difficulté à savoir où on est, dans quel contexte on se trouve. Donc ça, c'est vraiment l'albatros, si on peut dire, de cet album-là. Donc on se perd tranquillement au fil du récit, face peut-être à l'absence de décor, l'absence de perspective, l'absence de détails, l'absence de précision finalement, donc qui amène un pari qui aurait pu être très audacieux, mais l'amène à, disons, manquer un peu de précision, en fait, à défaut de meilleurs termes. Donc ce qui fait que on aime au départ, mais on finit par s'y perdre, et ensuite, ben, on feuillette autant qu'on lit. Ça reste quand même un récit intéressant, cela dit. Donc, feuilletez-le, jetez un coup d'œil si vous le croisez en librairie. Ça s'appelle La Baie des Mutins. C'est d'Antoine Cossé. C'est du côté de l'employé du mois. Et aussi, mini clin d'œil, simplement pour mentionner le tome 10 des Sisters. En fait, si vous aimez la série, si vous êtes le public cible de cette série, vous allez assurément aimer ce tome-là. Toujours Christophe Cazeneuve au scénario, William au scénario, au dessin et aux couleurs. Un fil rouge qui repose sur un système qui est évidemment le système habituel. Donc cette fois-ci, les sœurs participent à une course d'épreuves et donc ça devient un peu le lien entre les différentes cases, entre les différents gags. Alors on est plus dans des décors, plus de présence, de paysages et de. Donc, ce qui fait que pour l'œil, peut-être que c'est un peu plus attrayant que d'autres tomes de cette série-là. Tout le moins, ça apporte un peu un sentiment de renouvellement à travers ça. Ça reste des gags très classiques dans le genre. Et pour le public cible, peut-être un peu plus jeune, ça reste des gags réussis en ce sens. Alors, si c'est une série que vous aimez, vous pouvez sans heurts y jeter un coup d'œil. Ça, c'est paru du côté de Bambou. Alors voilà, pour ces petits clins d'œil, on repart toujours en musique et on revient tout de suite après en parlant de manga qui se passe à Québec. Alors, je rappelle que vous pouvez trouver les émissions de La Vie en BD en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Vous pouvez également trouver mon blog sur voir.ca/Raymond-Poirier. Et on poursuit donc dans des regards, et comme on l'avait dit d'entrée de jeu, on passe vers deux styles quand même assez distincts. On parlait d'historique tantôt, maintenant on va tomber dans le manga. Avec un album qui s'appelle Frivolesque, premier volume, c'est un webcomic, c'est devenu un livre aux éditions Rémi Paradis. Et pour nous en parler, ben, on est en compagnie de l'auteur, Dez, bonjour. Salut. Alors, ben, peut-être d'emblée, je pense qu'il faut décrire un peu, présenter pour ceux. Donc, on est vraiment dans un univers à saveur manga. Et j'ai lu que tu t'es inspiré un peu pour démarrer ça, des univers de type Katkoma, donc comme Azumanga Daioh, Lucky Star, Kaon et leurs clichés. Donc, qu'est-ce qui t'a amené d'emblée vers l'univers manga, puis plus précisément vers cette tranche-là de cette planète? Ben, j'ai toujours été un fan. Moi, en général, j'étais un fan de BD de tous les genres, que ce soit un manga, BD européenne, BD comique américain. Mais le manga, c'est intéressant aussi, puis c'est souvent un peu moins représenté au Québec, je dirais. Ça m'a toujours attiré un peu. Tu sais, c'est cute, c'est mignon, il y a des couleurs. J'étais quand même un grand fan de jeux vidéo, fait que, tu sais, jeux vidéo rétro, fait que c'est souvent des univers qui se rapprochent un peu. Alors, j'ai toujours été un peu là-dedans, puis le côté, comme tu disais, le Yon Koma, les quatre cases, c'est un petit style gag un peu, je dirais, à la Garfield, mais saveur japonaise, si on veut. Mais j'essaie de pas faire exactement, tu dis, je m'inspire des clichés de tout ça, mais je reste quand même assez, je prends pas tout le package deal, le manga, si on veut. J'aime pas dire que je fais un manga en général, justement, parce que c'est en même temps, j'ai mes aspirations, mes influences québécoises en arrière de ça, un peu, de tout azimut. À la limite, le manga devient plus l'influence dominante. Ouais, c'est juste pour le look graphique plus que le contenu comme tel. Oui. Mon format et mon look visuel, ils font manga, mais mon contenu l'est un petit peu moins, mais j'ai quand même des clins d'œil souvent. À plein d'affaires, manga, BD, ma vie de tous les jours, j'essaie de tout inclure là-dedans. C'est une affaire qui est super simple. Dans le fond, il n'y a pas, tu sais, comme tu dis, Azumanga Daioh, Keon, c'est des choses qui se passent absolument rien. C'est des personnages, puis c'est surtout basé sur leur personnalité, puis c'est ce qui est cocasse avec ça, c'est comment ils réagissent à différentes situations. Fait que j'aime ça exploiter ça. Je t'avoue que au début, c'était juste pour essayer de faire quelque chose de sympathique, pour voir si je pouvais dessiner un webcomic à toutes les semaines. Puis finalement, ben ça fait 3 ans que je fais ça, puis j'arrête pas là. Oui, puis en même temps, c'est le plaisir, j'imagine, de créer l'univers, puis de voir un peu comment on le fait vivre, avec un côté très quotidien, avec un côté absurde, avec un côté un peu campai aussi, dont j'ai vu citer aussi à l'occasion le côté cute, le type de certains personnages, un côté super-héros aussi. Donc il y a quand même beaucoup de choses. On passe d'un univers à l'autre, des fois carrément dans une même planche là. Ouais, ben c'est un gros mélange. En général, quand j'ai commencé ça au début, je dessinais rien, j'avais pas d'idées, j'ai ramassé plein de vieux personnages à moi qui traînaient à gauche puis à droite que je faisais rien avec. Je les ai tous mis dans le même univers, peu importe leur origine. Il y avait là-dedans une espèce de super-héros, super-héroïne comme tu dis, une fille assassin, puis pour ça le reste c'était des filles bien normales, geek de leur quotidien qui avaient absolument rien de spécial qui leur arrivait. Je me suis dit comment je vais faire pour mettre tout ça ensemble puis faire un genre de cohérence dans ça, puis ça a juste comme cliqué en place finalement. En fait, l'histoire me guide plus que je guide l'histoire. C'est ça qui est drôle. On se lance un peu à l'instinct, à la limite. Dans le fond, tu on en jase là, mais tu sais pas nécessairement c'est quoi où tu t'en vas, c'est où la finalité, ou t'as quand même certaine idée de ta direction. Ben, au début, non. Au début, c'était n'importe quoi. Puis plus j'avançais, plus que j'avais comme une espèce de fil direct. J'ai commencé à comprendre un peu, justement, la cohérence de mon univers qui se créait tout seul devant moi, finalement. Puis là, avec ça, j'ai su où l'amener. J'ai des idées à peu près pour les 3-4 prochaines années, c'est sûr. Je manquerai pas d'inspiration pour ça, là. Et parce qu'il faut dire en même temps, justement, pour créer Frivolesque, tu t'es donné une grosse galerie de personnages. Tu disais que tu avais été chercher un peu dans tes anciens. Est-ce qu'on y était un peu à tout vent, ou comment justement t'as choisi un peu ces gens-là que tu nous introduis d'ailleurs de manière assez nette au fil du premier volume? Ben, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été plus comment je pourrais expliquer, un gars qui aimait faire du personnage qu'un artiste ou qu'un écrivain comme tel. En fait, c'est vraiment secondaire chez moi. J'aime créer des histoires, créer des univers avec des personnages qui vivent là-dedans, puis le reste, ben, c'est une façon, dans le fond, qui puisse exister dans un contenant. Fait que j'ai toujours fait ça depuis que je suis tout jeune. J'ai inventé des personnages, j'en donnais des histoires, puis je faisais rien avec. Là, c'était des dessins. Puis là, quand le monde me demandait c'était quoi, j'étais tout content de leur expliquer, mais il n'y avait pas de BD qui allait avec, tu sais. Un peu comme beaucoup de nerds que je connais. Mais un jour, ça s'est concrétisé. J'étais allé piger à gauche puis à droite dans des designs que je trouvais le fun. Puis j'ai fait, comme je disais, j'ai fait oui, ça. Ça reste quand même un équilibre assez difficile à tenir, dans la mesure où t'as quoi? T'as pratiquement une dizaine de personnages principaux? Ben, au début, j'en avais juste 5. Ça reste tout le temps mes 5 principaux. J'essaie de tout le temps rester avec ces 5-là, mais il y en a plusieurs personnages secondaires qui commencent à apparaître de plus en plus, souvent aussi inspirés de vieux designs. Puis là, le monde, les gens les aiment. Vu que c'est un webcomic à la base, j'ai des feedbacks de mes lecteurs assez vite. Je sais quel personnage que les gens aiment, fait que souvent, je peux les réutiliser de plus en plus. Puis comme tu dis, on dirait que vraiment, c'est rendu que j'ai 10 personnages principaux maintenant. Mais dans mon cœur, j'ose croire qu'il y en a juste 5 importantes. Oui, puis de voir après ça, ben comment ils interagissent dans le quotidien. Dans le premier volume, on les amène dans un appartement pour un petit party, on les fait magasiner, on les fait se battre. Donc, dans le fond, on trouve des situations d'interaction. Ça, au bout du compte, c'est un peu le moteur. Ben c'est ça. J'en ai 2 qui sont actives, physiques, comme tu dis, qui viennent de vieux concepts un peu plus science-fiction, super-héros. Puis les 3 autres qui sont des personnages très normaux, dont une qui est très très introvertie. J'ai eu l'idée de commencer l'histoire avec elle, dans le sens que comment commencer une histoire de monde qui se rencontre, ben tu prends la plus introvertie de la gang qui irait pas vers les autres, puis tu fais aller tout le monde vers elle. Fait que tu peux commencer à créer l'histoire autour de ce personnage-là qui veut pas interagir avec les autres, parce qu'elle, c'est une fille solitaire qui aime ça lire son livre tranquille puis pas se faire déranger. Puis tout d'un coup, t'as cette folle-là qui arrive avec une fille de 6 pieds avec les cheveux verts qui est comme un super-héros, qui « Salut, qu'est-ce que tu fais dans le parc? » Puis tout le monde se greffe autour de ça comme par coïncidence. Fait que ensuite, tout de suite au début, t'as une idée de qui la fille introvertie qui est Fleur est. Les lecteurs ont accroché là-dessus parce que souvent, il y a beaucoup de gens dans mon électorat qui sont des gens un peu plus tranquilles. Je dirais, tu sais, des nerds qui sont pas super portés vers le social, qui sont reconnus dans le personnage, puis qui ont aimé ça. Fait que ça accroche facilement. C'est quoi la question? Je suis quand même parti sur une direction bizarre. Non, mais ça reste intéressant. Puis justement, oui. Après ça, tranquillement, on développe. Puis il y a même une notion de mystère. En fait, qu'on, à tout le moins dans le volume 1, qu'on dévoile pas sur certaines organisations. Ouais. La dynamique de complot aussi qui vient s'installer. Puis qui est un peu en sourdine, en fait, sur les séquences un peu plus légères. Puis que des fois, prend prédominance aussi. Ouais, ça, mes lecteurs sur Internet me le rappellent souvent. Qu'est-ce qui va arriver avec l'histoire du début, là? C'est sûr que c'était une façon facile de faire rentrer les personnages plus fantastiques dans l'univers normal en leur disant, bah, la fille avec les cheveux verts est spéciale, tu devrais l'espionner. Puis comme ça, tu fais que tout le monde est à la même place puis tout le monde se tient ensemble pour aucune raison. Mais c'est sûr que là, j'ai du monde qui veut savoir le pourquoi de la chose. Puis c'est sûr que mon histoire, c'est juste du faire du quotidien. J'avais pas vraiment de grandes idées d'espionnage puis d'action là-dedans. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais il faut que je réponde à ça un jour. Je pense que je le dois à mon lectorat. D'ailleurs, dans ma dernière BD que j'ai publiée en ligne, on voit apparaître justement la fille mystérieuse au début, qui est peut-être une méchante, on n'est pas sûr. Puis tout de suite, dans les commentaires de la BD, c'est tout le monde, oh mon Dieu, j'ai vu le retour de la fille du début. Est-ce que tu vas nous amener la suite de ça bientôt? Je suis comme, non, c'était juste une apparition surprise. Mais ça s'en vient. J'ai écrit ça récemment. Et j'ai trouvé drôle parce qu'à un moment donné sur un des sites web à tout le moins, je pense que c'est sur Facebook, tu dis voici un nouveau personnage masculin. Et effectivement, quand on y pense, il y a très peu de personnages masculins. Tu as vraiment un univers qui est très féminin dans ton choix de personnage, dans ta galerie, dans ce que tu dessines. Qu'est-ce qui t'a amené un peu vers ce type de personnage-là? Puis à quel point ça devient un défi pour toi de réussir à les rendre dans toutes leurs dimensions? Ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps, puis je trouve ça drôle. Mais c'est sûr que... Tu peux toujours me faire la réponse de George R. R. Martin qui avait dit, je pense, à un moment donné, j'ai considéré que c'était des personnes, puis j'ai dessiné des personnes. Ouais, c'est un peu ça, je dirais, où je prendrais la réponse de Joss Whedon aussi, qui avait répondu une fois, je fais ça parce qu'on me pose tout le temps la question, puis quand on va arrêter de la poser, c'est parce qu'il va y avoir assez de femmes dans les médias. Non, sérieusement, je suis pas un grand défenseur des féministes ou rien, j'ai toujours aimé juste dessiner des filles. Ça a toujours été plus facile pour moi, tu sais, je trouve ça cute, c'est le fun, c'est un plaisir à dessiner pour moi, finalement. Fait que j'ai toujours eu plus de misère à dessiner des hommes. Je sais pas pourquoi, ça m'a... Tout le monde que je connais, mes amis, ils ont dessiné des gars. Moi, je dessinais des filles. Ça marche comme ça. Peut-être que c'est mes influences manga. Mais ça a commencé comme ça. Fait que les personnages que j'ai sortis, c'était toutes des filles à cause de ça. Puis j'ai décidé de justement d'inclure quelques personnages masculins pour le fun, parce que c'est quand même drôle de voir les interactions qu'il y a à faire. Mais ça reste toujours mon focus, ça va être mes filles. Justement, pour faire différent, quasiment tous les BDS que je connais ont des univers très masculins. Puis... En fait, tout. Hollywood, c'est toujours des gars. Je trouve ça... L'imbalance est un peu triste, quand même. Et puis comme si, en fait, c'est que ton univers vient se distinguer, parce que d'un côté, c'est une galerie féminine. Après ça, on a une inspiration dominante qui est sur le manga. On décide de le situer géographiquement à Québec, en plus, et de nous donner Québec un peu à travers ce filtre dominant-là. Donc, dans le fond, t'as un univers qui se distingue de à peu près tout ce qui se fait actuellement, là, en termes qui est édité au Québec, à tout le moins. Je suis content que tu dises ça. Souvent, les BD québécoises vont se passer dans des mondes soit fictifs ou soit que tout le monde peut comprendre un peu. On veut pas trop choquer en se situant trop à Québec, mais il y en a qui le font beaucoup maintenant, mais... Souvent, au Canada, en général, on est bon pour faire ça. On veut pas que ça soit au Canada. On a peur, on n'est pas connu. Les films américains filmés au Canada, ça se passe tout le temps à une place qu'on n'est pas trop sûr. Aussi, au Québec, il y a beaucoup de monde qui vont faire Montréal. Tu sais, Montréal, c'est visible, c'est connu. Québec, il n'y a personne. Il n'y a pas la Québec. Il est venu une fois, tu sais. Il pourrait venir plus souvent. Mais, non, mais c'est une ville. C'est ma ville. Je l'aime beaucoup. Elle m'inspire à tous les jours. À l'époque, j'étais un grand fan de Scott Pilgrim, la BD de Brian Lee O'Malley. Lui, il a réussi à mettre Toronto sur la map avec sa BD. Hein. Je pense pas mettre Québec sur la map avec Frivolest. Hein. Je suis pas assez connu, mais c'est quand même, c'était bien important au début que je situe mon action ici. Ça a commencé avec un dessin random. Comme je dis, c'est mes personnages sont vieux. J'avais fait à un moment donné un des personnages, une des filles, Chloé, qui est comme le... c'est quasiment mon personnage principal, je sais pas trop, c'est compliqué. Mais Chloé était comme... Elle était debout dans le parking en avant qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est le Palais de Justice, l'espèce de parking souterrain avec les grosses colonnes jaunes. Je trouvais que c'était beau comme place, j'avais dessiné ça. Je trouvais ça drôle de situer comme un de mes personnages qui avait toujours été fictif dans ma tête avec aucun univers développé. Tout d'un coup, était rendu dans ma ville. J'ai dit, hey, c'est fun. J'ai continué sur ce lancé-là. Puis finalement, au début de la BD, c'était sûr que je continuais ça, là. J'ai décidé tout de suite, on dessine Québec. À partir de la troisième BD, je pense, j'ai dessiné Tim Hortons sur le pouvoir à Mel, puis après ça, ça a été mon focus pour tout le reste, là. Et parallèlement, on l'a dit, c'est une bande dessinée qui est en ligne, en fait. D'ailleurs, les gens peuvent la découvrir sur frivolesque.com. Et cette année, il y a eu le passage donc vers le format papier avec le volume 1, donc 2013-2015, si je me trompe pas, côté période de planche. Comment s'est passé un peu le transit du web au papier? Est-ce qu'il y a eu quand même nécessité pas mal d'adaptation ou au contraire, ça s'est fait quand même assez facilement? Il y a souvent beaucoup de monde qui me demandait si j'allais imprimer une collection un jour de toutes mes BD, puis c'était pas dans mes plans, mais il y a Rémi, mon éditeur, qui m'a approché, je le connaissais déjà par entremise de plusieurs BDistes à Québec, il m'a approché pour me demander si j'étais intéressé à travailler avec lui, puis je trouvais que c'était intéressant, comme une prochaine étape pour ce que je faisais, fait que oui, on a embarqué dans le projet, puis ça n'a pas été trop difficile. C'est sûr qu'il y a une belle job de mise en page à faire, là, puis il a fallu qu'on sacrifie quelques affaires, parce que c'est, tu sais, vu que le web, c'est un format qui est très libre. En général, mes BD ont à peu près toute la même grandeur, mais il y a quelques zones qui sont un peu plus grandes. Il a fallu que j'ai... La mise en page n'a pas été trop facile, mais je pense que je me suis quand même bien débrouillé. Mais là, justement, la BD continue en ligne, donc on est rendu plus loin que le premier volume. Fait qu'à chaque fois que je fais la BD, maintenant, j'ai toujours le deuxième volume en tête, parce que je veux le faire éventuellement. Fait que là, j'essaie d'y aller plus standard. Mes BD vont avoir le même format plus souvent... J'y pense plus à orienter livre maintenant que j'ai eu le premier de sortie, tu comprends? En se disant, dans le fond, il va peut-être avoir une autre finalité de ce côté-là. Mm-hmm. Fait que là, non, ça pour que la job d'édition soit un peu moins difficile le deuxième coup, j'essaie de penser en même temps web et en même temps papier. Hein. Et ben on peut découvrir justement le volume 1. En fait, si on veut voir un peu de quoi ça retourne, évidemment, on y va. On peut aller faire un tour sur le web et on peut choisir justement de découvrir cet univers-là sur papier. Ces deux modes de lecture qui sont radicalement différents. De toute façon, je trouve que c'est pas la même expérience, personnellement, lire une page web que lire un livre. Alors, ben on peut découvrir de deux manières, donc, cet univers-là. Tu dis, on espère un volume 2 l'année prochaine? Le premier volume, dans le fond, le premier volume ramasse les deux premières années de la BD, donc les 100 premières strips, j'en fais une par semaine. Donc là, je suis rendu à peu près à la fin, j'approche de mon comic 140e, donc ça devrait être début 2017 si je suis la tendance la progression, comment je travaille à chaque semaine. Ça reste toujours comme le web passe en premier, donc j'en fais un par semaine, puis quand j'en ai assez, il va peut-être avoir un deuxième volume. Là, je dis si, là, j'ai pas parlé à mon éditeur, rien, commencez pas à penser qu'il y en a un qui s'en vient pour vrai. Je veux pas qu'il me chicane tantôt quand je vais retourner chez nous. Mais potentiellement. Potentiellement, oui, c'est ça. Mais c'est drôle parce que tu parles justement du côté web versus côté BD. Moi-même, je suis un peu hypocrite. Je fais un webcomic, mais je suis bien plus un fan de BD papier. Souvent, j'aime ça acheter des vrais trucs finis puis le lire pour vrai. C'est beau, là, une bibliothèque. Là. Et voilà, Dez, merci beaucoup. Hey, c'est moi qui te remercie. Et je rappelle le Frivolesque volume 1 qui est disponible donc du côté des éditions Rémi Paradis. Écoute de la vie en BD, dernière ligne droite qu'on passe cette semaine en compagnie de notre libraire en résidence, Marco Duchesne. Bonjour. Hey, salut. Et Marco, en fait, la semaine prochaine, tu vas être de retour pour nous donner des idées de beaux livres, puisque ça va être la dernière de l'année. Mais d'ici là, on est dans un livre, et là, j'ai hâte d'avoir ton opinion, parce que quand j'étais jeune, j'adorais Bob Morane, le livre. J'ai beaucoup aimé Bob Morane, la BD, et là, il y a Renaissance, donc on ramène Bob Morane. Écoute... Ça fait longtemps que j'avais pas eu ce genre de feeling là. Moi aussi, tout petit, j'ai lu du Bob Morane, j'ai lu la BD, et comme tout le monde, à un moment donné, on a vieilli et y revenir, la nostalgie n'a pas opéré, en tout cas dans mon cas. La BD s'est vite essoufflée parce que le graphisme Vance. Et ensuite de son beau-frère Coria, c'est vite aussi sclérosé, je pense. Fait qu'on est plus dans le Blake et Mortimer. Alors, arrive. Moi, j'ai entendu parler de cet album-là, de cette volonté de vouloir faire un reboot, pour parler français, de Bob Moran. Et j'avais vu les premiers dessins qui, déjà là, sonnaient quelque chose de moderne. Okay. L'album est arrivé cette semaine et, avec mon collègue, mon comparse, mon complice de la librairie, Édouard Tremblay, on l'a lu et ça fait une semaine qu'on s'en parle. OK, donc c'est... J'ai pas eu un intérêt pour une série depuis Largo Winch aussi fort. Bob Moran est rajeuni. Bob Moran est modernisé. Bob Moran est au 21e siècle. Et on a l'intelligence de nous raconter un Bob Moran moderne, mais aussi de nous amener quelque part. Quand j'ai vu le... Pour te donner un exemple, quand J.J. Abrams a rebooté Star Trek, tout le long du film, les trois quarts du film, tu sais, quand les personnages ne sont pas, les personnages que t'aimes et que tu connais ne sont pas là où ils devraient être tout de suite, il y a quelque chose de pas confortable, mais de le fun. Même chose pour Bob Moran. Bob Moran, au début, Bob Moran est jugé en tribunal international parce que il était à la tête d'une mission. De soldats de l'ONU et il était au Nigeria au milieu de deux factions musulmanes et chrétiennes qui se font une guerre et un génocide interposé. Donc on est là, dans une thématique actuelle. Voilà, et là c'est actuel et Bob Moran connaît à peine ses hommes dont le lieutenant Valentine, Bill Valentine. Alors ils se connaissent à peine. Déjà il y a un malaise. Et là il intervient malgré les ordres qu'on lui donne. Il intervient pour sauver une famille. Donc, tribunal, destitué de l'armée, mais exonéré de tout blâme. De son côté, Valentine, lui, fait de la prison en Angleterre. C'est un Britannique. Et là, déjà là, ils sont séparés. Et là, on t'amène tranquillement avec un recrutement de Bob Moran dans une agence spéciale qui va... OK, tout suit son cours, et là, les terroristes, et on va lutter, on nous présente une façon de, un complot qui voit le jour, et vraiment, là, à grande échelle. Donc, on se retrouve un peu plus dans les belles sagas de l'ombre jaune de l'époque. Et là, je veux pas vendre de punch. Il faut pas. Non. Et, je vais te dire, tout est installé, mais tout est installé d'une façon, plus digne de la grande structure des trailers, des suspens. Ça fonctionne mur à mur, c'est moderne. Écoutez, c'est la série à suivre à partir de maintenant. Là, c'est Bob Moran Renaissance, le tome 1. Ça s'appelle Les Terres Rares. Et le dessin énergique de Armand est réaliste. Il s'appelle Armand, le dessinateur. Et ces deux scénaristes qu'on avait connus chez Delcourt, ils ont travaillé beaucoup chez Delcourt, Brunswick et Ducoudray, ont travaillé beaucoup à de bonnes séries chez Delcourt. On sent la machine du bon scénario là, qui... écoutez, c'est la série. Le cadeau à vous faire aux vieux qui vont embarquer les pieds en avant, ils vont sauter dans cette série-là. Les jeunes qui n'ont pas connu, qui vont découvrir quelque chose d'actuel. Bref, Raymond, faut que t'essaies Bob Moran Renaissance. Surtout que j'aimais bien les anciens. Fait que, ah non, mais là, attends. Ça va être une nouvelle révélation. Et Marco, on parle de machine. Évidemment, Bob Moran, donc, qui est une machine dans laquelle on a envie de plonger. Il y en a une machine qui est aussi active présentement, c'est l'univers Star Wars. J'arrive à temps, hein? T'arrives à temps, parce que là, c'est Panini qui offre donc des BD voilà. Du côté de Star Wars. Alors, il y avait toute une gamme de bandes dessinées chez Dark Horse, qui était repris par Delcourt en français pour les Star Wars, et il y avait on allait dans tous les tu sais, il y avait toute une trame historique pour raconter des histoires et tout. Quand Disney a acheté Star Wars, alors c'était évident qu'au niveau de la BD, Marvel, les contrats sont retournés chez Marvel, parce qu'au tout début c'était Marvel qui avait ça, et Marvel repart les séries, mais là on nous dit tout ce qui se faisait avant, c'est comme des contes et légendes. Oui, enfin, on a fait un reset. On a fait un reset et on nous présente, pour le moment en français, parce qu'il y en a encore, il y a Il y en a un peu plus en anglais, parce que c'est commencé depuis un an et demi. En français arrivent trois séries qui se situent au moment de la fin du premier film, c'est-à-dire l'épisode 4 où l'étoile de la mort explose. Mm-hmm. La première étoile de la mort. Okay. Donc, on nous présente trois séries. Et là, Marvel y va de ses plus grands scénaristes et dessinateurs. Jason Aaron pour la série Star Wars avec John Cassaday, un duo. Écoute, qui a fait ses preuves du côté de chez Marvel. Pour la série Dark Vader, Guillen et LaRocca, qui a aussi fait ses preuves dans tout ce qui était de Marvel, de super-héros, des bons, là. Mark Waid et Tenny Dodson pour La Princesse Leia. Mm-hmm. Là, on nous installe les personnages qu'on connaît, qu'on aime, qu'on a vu et revu et revu, là, dans le cas de tout le monde, je pense. Et là, on nous installe ça dans des histoires qu'on connaît aussi, puisque à fin de l'étal du premier, il y a comme un délai avant l'Empire contre-attaque, donc tout est possible. Mm-hmm. L'intelligence de ça, et c'est la machine Marvel au service de Star Wars, les séries Dark Vader et Star Wars s'entremêlent. C'est-à-dire que on suit Dark Vader qui veut se venger des rebelles, et qui installe, il y a son agenda face à l'empereur et face aux rebelles, et on le voit avancer tranquillement dans des situations. Et la série Star Wars, on voit les rebelles dans les mêmes situations, mais avec leur point de vue. Alors, tout s'entremêle. Oui, faut les lire toutes aussi, ça veut dire pour profiter au maximum. Si on veut vraiment profiter de la chose, on y va, on se lance dans les séries, et là, on connecte avec les on appelle ça les crossover aux États-Unis. On connecte entre séries, mais on connecte aussi avec l'univers Star Wars. Là, exemple, dans Dark Vader, à un moment donné, on voit Dark Vader, la relation avec l'Empereur. Et là, on comprend l'agenda qu'avait Dark Vader face à l'Empereur, mm-hmm. face à son fils. Ben là, il va découvrir plus tard que c'est son fils. Bref, là, j'espère que j'ai pas donné de punch. Et on comprend un paquet de choses. On épanche un peu les personnages, la psychologie des personnages avec ces séries-là. On étaye les trous qu'on avait avec. Bref. Est-ce que c'est lourd, par contre, justement, de passer d'une couverture à l'autre, justement, pas d'un crosscover, puis qu'on a l'impression de redire ou qu'on réussit à renouveler? Non, pas du tout. Même que on y est dans la subtilité. Il y a un détail. Exemple, il y a un détail à un moment donné. Luke Skywalker va échapper son sabre laser. Et Dark Vader va reconnaître le sabre laser. Dans la série Dark Vader, l'empereur va lui demander s'il y a quelque chose de nouveau par rapport à les rencontres qu'il a faites avec les rebelles. Dark Vader va se souvenir de ce détail, mais n'en parlera pas. Tu comprends? Mm-hmm. Tout est dans la subtilité. Vraiment, là, un beau travail qu'a fait Panini, qu'a fait Marvel pour la franchise Star Wars. Alors, donc ça, c'est trois comics, donc Univers Star Wars, qui arrivent en français, je rappelle, c'est chez Panini. Les séries, c'est Dark Vader, Star Wars et Princesse Leia. Alors, ben Marco Duchesne, on se dit à la semaine prochaine. Au rendez-vous, oui. Yes. Alors, ben voilà qui, de notre côté, termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, outre Marco, on aura avec nous Michel Falardeau et Marianne Dubuc. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous et passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.